Frère et sœur en Christ, je vous dis bonjour et je suis vraiment content, n'est-ce pas, de partager avec vous cette petite exhortation. Je voudrais d'abord dire au passage à des frères et sœurs qui m'appellent en milieu de semaine, n'est-ce pas, parce que quand je suis au boulot, le téléphone sonne. Frère, sœur, c'est pas que je veux pas prendre le téléphone, c'est parce que aux heures de travail, c'est quand même un peu trop pointu. N'est-ce pas? Ils n'acceptent pas, n'est-ce pas, qu'on prenne le téléphone aux heures de travail. C'est pourquoi le téléphone sonne, je ne prends pas. Donc, sachez que je ne fais pas exprès. Si quelqu'un veut m'appeler, faites-le le soir entre 19h et 23h. Je suis dispo. Vous pouvez aussi m'appeler à tout moment les week-ends parce que je suis à la maison. Je suis casanier, je suis chez moi. Ok, ce n'était qu'une parenthèse. Deuxièmement, vous avez des frères, des sœurs, qui sont aujourd'hui mariés, mais avec des partenaires à problème. C'est-à-dire, vous avez des sœurs qui m'appellent et qui me disent, « Bien-aimé, mon homme est païen, il ne croit pas en Dieu, j'en ai marre. Qu'est-ce que tu me conseilles ? Parce que moi, j'ai envie de divorcer. » Vous avez des frères qui m'appellent pour me dire, « Oh, bien-aimé, je ne sais plus quoi faire, elle ne veut pas de Dieu, elle me prend la tête, franchement, j'en ai marre, j'ai envie d'en finir, qu'est-ce que tu en penses ?» Bien, mais moi, je ne peux pas dire à un enfant de Dieu de divorcer. Le divorce n'est pas de Dieu, vous le savez bien. D'accord? Mais je veux vous prendre un exemple biblique. Il y a plusieurs couples dans la Bible. La Bible parle de plusieurs couples. Mais moi, je vais juste me focaliser sur deux couples. Vous connaissez Adam et Ève. Adam qui a pour épouse Ève. Et vous connaissez aussi notre bien-aimé Lot, n'est-ce pas, qui avait aussi une femme. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Dieu dit à Adam, tu peux manger de tous les fruits, mais ce fruit-là ne le touche pas. C'était clair et net. Ok. Et Dieu dit, le même Dieu dit à Lot, ce dans les Gomorrhes, il y a l'abomination. Je ne peux plus supporter de voir ça. Je vais détruire cette région. Ce que je te conseille, c'est de sortir. Toi et ton épouse, ne regardez plus en arrière. Et qu'est-ce qui se passe? Ève mange le fruit, Adam mange le fruit. Et nous avons pour Lot, Lot et sa femme sortent de Sodome et Gomorrhe. La femme de Lot se retourne en arrière parce qu'elle pensait à Sodome. Elle pensait aux choses qu'elle faisait à Sodome. Elle pensait au bois de nuit de Sodome. Elle pensait à la bière, à l'alcool, à l'ambiance, à ses copines qui sont restées, à ses affaires. Donc elle pensait à ça, c'était trop lourd, c'était trop lui demander de sortir de Sodome et Gomorrhe parce qu'elle avait bâti sa vie là-bas. Elle ne supportait pas de laisser tout ça. Elle s'est retournée parce qu'elle pensait tellement à Sodome et Gomorrhe, mais Lot ne s'est pas retourné. Lot aime sa femme, c'est sa chérie. Même si sa chérie se retourne, Lot fonce selon ce que Dieu lui a dit. Jésus-Christ a dit, de deux personnes qui seront sur les mêmes lits, une sera sauvée, l'autre non. Si ton mari est païen, il ne croit pas en Dieu, fais comme l'autre. Avance avec le Seigneur Jésus, même si lui se retourne en arrière. Bien-aimé, même si ta femme ne prie plus, fais comme l'autre. Avance avec le Seigneur. Donc, il n'y a pas, moi je ne veux pas dire à quelqu'un divorce, non. Ah non, moi je ne veux pas être responsable de vos péchés. D'accord? Mais, on peut bien vivre avec une personne qui ne croit pas. Si vous êtes déjà marié, on ne va pas vous demander de se séparer. Non. Mais l'autre, fais comme l'autre, avance et ne te retourne pas en arrière. C'est pas parce que, et ce que je le dis aussi pour les chrétiens de l'église, ce n'est pas parce que tu vois le pasteur boire le vin rouge dans les bars du quartier, ce n'est pas parce que tu vois la sœur qui dirige la louange aller dans les boîtes de nuit, que toi aussi tu vas faire comme elle. Fais comme l'autre. Ce que Dieu a dit, applique-le dans ta vie. Ce que les gens font, ça c'est leur problème, car le salut est personnel. Un jour, tu es sorti seul du ventre de ta mère, et seul un jour, tu seras dans un cercueil. Seul un jour, tu iras toi-même devant Dieu, car il est écrit dans le livre d'Hébreux, après la mort vient le jugement. Et quand tu seras au jugement, devant le Seigneur, tu seras seul. La Bible dit, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même, pas pour les autres. C'est la raison pour laquelle tu dois t'occuper de ta relation avec Dieu et avancer avec notre bien-aimé Christ Jésus. Ce n'était qu'une parenthèse. Ok, je voudrais dire aux enfants de Dieu que l'heure est tellement avancée. L'heure est avancée. Parce que quand vous entendez les coups de fil que, par exemple, je reçois sur l'abomination, les dégâts, l'ampleur des dégâts au milieu chrétien, des dégâts causés par les faux hommes de Dieu. Oui, les faux hommes de Dieu sont dans l'église. Les loups sont dans l'église. Satan les a envoyés dans l'église pour détruire, pour combattre l'œuvre de Dieu. Je voudrais que vous sachiez, mon frère, ma soeur, que ce combat qui est spirituel et physique engage chacun de nous. C'est-à-dire que chaque enfant de Dieu doit se sentir concerné. Ma soeur, tu connais ce faux pasteur qui a couché avec toi. Mon frère, tu connais cet escroc qui t'a demandé de l'argent pour une prière et qui t'a demandé une offrande. Nous ne devons pas nous taire. L'heure est arrivée où nous devons dénoncer les loups. Nous devons dénoncer les loups. Souvenez-vous de notre bien-aimé Jésus-Christ. Un jour, il se lève pour aller au temple. Le temple, c'est le lieu de prière, le lieu d'adoration. Le temple, c'est l'endroit où on prêche la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que Jésus trouve dans le temple? Des gens qui faisaient le commerce. Jésus qui s'est choqué. Il ne s'attendait pas à trouver ça dans la maison de l'Éternel. C'est une maison d'adoration, c'est une maison de louange. C'est une maison où la parole de Dieu est prêchée. Et les commerçants qui étaient à l'extérieur entrent jusqu'à dans l'église pour faire du commerce, pour gagner du pognon. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Dans la colère, il a commencé à les frapper, à balancer les tables. Pourquoi? Jésus n'a pas dit, ok, nous on va prier afin que Dieu les frappe. On va aller, c'est pas à nous de les juger. Jésus n'a pas dit, ah, c'est pas à moi de les juger, je vais prier Dieu. Jésus savait que l'œuvre de mon Père, c'est mon œuvre. Ce qui est à mon Père est à moi. Donc, ils sont en train de combattre, de faire du désordre. Du désordre dans la maison de mon Père, je ne peux pas laisser ça, je ne peux pas me taire, je ne peux pas rester indifférent. C'est la raison pour laquelle je rends grâce à Dieu de ce que dans le monde, dans plusieurs pays, il y a des filles et des enfants de Dieu qui se sont levés pour mettre à nu les pratiques de l'ennemi. Mais c'est l'affaire de tout le monde. Je suis choqué de ces sœurs. Vous avez été victimes. La sœur, toi qui m'as appelé là. Cet homme de Dieu qui t'a dit, tu n'arrives pas à faire d'enfant. Moi j'ai l'onction et moi si je couche avec toi, je te transmets l'onction. Et tu vas faire des enfants. Il a couché avec toi jusqu'à ce jour, tu n'as aucun enfant. Mais pourquoi tu te tais, ma soeur? Il faut le livrer. Vous devez livrer les loups. C'est l'affaire de tout le monde. Ma soeur, cet homme de Dieu qui a craché dans un verre, il t'a dit, bois et tu as bu. Il faut le livrer. Tu connais son nom. Parce que si le loup n'est pas livré, le loup va continuer à faire du désordre. D'autres victimes vont s'allier. D'autres personnes vont être des victimes. C'est pourquoi il ne faut pas se taire. Oh ma soeur, cet escroc, soi-disant homme de Dieu. Tu lui as prêté la voiture pour quelques jours. Il a gardé pendant des mois. Et il fait un accident. Il revient laisser la voiture sans même réparer les dégâts. Et c'est toi qui prends en charge les réparations. Ma soeur, l'heure est arrivée. Nous devons parler. Parce que le combat est réel. Satan combat l'église par les faux hommes de Dieu. Le diable a jeté dans l'église des loups. Ces loups font des miracles. Vous connaissez l'histoire de Moïse en Égypte. Dieu. Pour prouver à Pharaon que Moïse est mon serviteur. Dieu faisait des miracles par Moïse. Mais les marabouts et les sorciers de Pharaon, eux aussi faisaient des miracles par le diable. Il y avait miracle dans ce camp, miracle dans ce camp. Mais le camp de Dieu est toujours au-dessus. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que le rigolo qu'on appelle le diable, lui aussi faisait quand même des miracles. C'est la raison pour laquelle, dans l'église aujourd'hui, le combat est là. Satan a envoyé dans l'église des gens qui ont recours au fétiche des marabouts pour opérer des miracles. Le vrai homme de Dieu, il attend la bénédiction de la part de Dieu. Le vrai homme de Dieu, il ne regarde pas ton porte-monnaie. Souvenez-vous de cette parole de Jésus à Pierre. Pierre, Simon, Pierre, m'aimes-tu? Oui, je t'aime. M'aimes-tu, Simon? Est-ce que que tu m'aimes. Simon Pierre, tu m'aimes vraiment. Si tu m'aimes, pas les brebis. J'aurai la preuve que tu m'aimes de la façon dont tu vas traiter mes brebis. Parce que c'est facile de dire oui, je t'aime. Mais pas mes brebis. Prends en charge mes brebis. C'est la preuve que tu m'aimes, Simon Pierre. Et vous croyez que Simon Pierre va dire à une brebis que Dieu lui a donnée, pose d'abord une offrande si tu veux une prière. Jamais Simon va le faire. Parce que Simon sait que celui qui l'a envoyé va le bénir, va le récompenser en fonction de son travail. Mais le faux homme de Dieu, comme il sait que ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé, lui, il ne compte pas sur Dieu pour être béni. Il compte sur ta poche. Il compte sur ton porte-monnaie. C'est ton porte-monnaie qui est sa bénédiction. C'est ta poche qui est sa bénédiction. Pendant que du 1er au 30, toi tu te lèves le matin pour aller travailler. Pour gagner un peu d'argent. Mais ce chômeur, il est assis chez lui. Il met des habits de joie. Des montres de luxe. Des paires de chaussures, dernier cri. Un chômeur, il est en train de faire la grande vie grâce à ton argent. Pendant que toi, tu te lèves le matin pour aller travailler. Ce sont des chômeurs. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? Mais ces chômeurs-là, ils se renseignent. Quelqu'un est assis à la maison, il ne fait rien. Il voit son collègue chômeur qui, du coup, se retrouve avec des voitures de luxe, des jolies maisons. Il dit, mon ami, c'est comment? Hein? Tu as réussi, c'est comment? Tu as fait quoi? Quel est le secret? Oh, c'est facile. Va voir le marabout tel. Il va te faire un truc et quand les gens vont te mettre en transe, tout le monde courra, tout le monde va courir derrière toi. C'est le secret. Les gens vont croire que tu as l'onction de Dieu. Les gens vont croire que c'est Dieu qui est avec toi. Et tu vas te faire du fric. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les marabouts sont en train de devenir riches. C'est tout le monde qui court les doigts pour avoir des barres, pour avoir des huiles, soi-disant huiles bénites, huiles d'onction. Mais ce sont des huiles que le marabout a travaillé la nuit. Le marabout a fait des incantations sur ces huiles. Ce sont des huiles souillées. Ce sont des huiles infectées de démons. Toi qui amènes cette bouteille chez toi. Ne sois pas étonné des cauchemars que tu as la nuit. Ne sois pas étonné des hommes, des femmes de nuit qui viennent te trouver sur le lit. Parce que l'huile-là a été travaillée par le marabout. D'autres vont voir le marabout, ils vous proposent l'eau bénie. Ce taux-là est souillé. Ce taux a reçu des incantations. Ce n'est pas l'eau bénie, c'est l'eau maudite. L'eau maudite, ce n'est pas l'eau bénie. Toi qui bois ce taux, toi qui l'utilises, tu attires la malédiction sur toi. Les loups sont en train de causer des dégâts dans l'église. Il y a des victimes, des personnes qui ne parlent pas. Quand les gens m'appellent, je demande, tu pries dans quelle église? Oh frère, moi, les histoires d'église, j'ai arrêté. Ah bon? Oui. Pourquoi? Avec ce que j'ai connu là, moi je veux plus être victime. Tel pasteur avait couché avec moi. Tel pasteur m'avait demandé 500 euros pour que mes fibromes disparaissent de mon ventre. Quand je fais des analyses aujourd'hui sur des médecins, les fibromes sont toujours là. Cet escroc a pris mes 500 euros. Vous allez entendre tout quand les gens vous appellent. Beaucoup de victimes sexuelles. Beaucoup de victimes dans le domaine financier. Et ces personnes sont aujourd'hui assises à la maison. Elles ne vont plus dans les églises. C'est les victimes des loups. Vous vous souvenez de ce monsieur? En Italie, sa fille de 10 ans est malade. Cet homme m'appelle, frère, prie pour moi. Prie pour mon enfant. Je dis, mais en Italie, il y a des hommes de Dieu. Frère, j'ai vu des hommes de Dieu ici. Si tu n'as pas le pronom, tu n'as pas droit à la prière. J'ai été voir l'un d'eux. On a pris rendez-vous. Arrivé à son bureau, je lui parle du problème de la petite. L'homme de Dieu me dit, une offrande de 500 euros et je prie pour l'enfant. Il dit, frère, moi je n'avais pas 500 sur moi. Je retourne à la maison avec l'enfant malade. Le temps que que je trouve 500 euros pour revenir le voir. Vous vous rendez compte? Ces hommes, ce sont des hommes sans cœur. C'est le pognon qui les intéresse. C'est l'argent qui les intéresse, rien d'autre. Quand on est homme de Dieu, quand on a reçu la paix, Dieu met dans ton cœur l'amour des brebis. Et tu vas s'occuper de tout ton cœur des brebis du Seigneur. Le vrai berger, quand il a 100 brebis, il se retrouve avec 99, il y a une brebis qui n'est pas là. Je vous dis, il laisse les 99 pour aller à la recherche de la seule brebis qui n'est pas là. Il y a l'amour des brebis. Il y a l'amour. Le désir de son cœur est que la brebis soit guérie, que la brebis soit bénie. Ce n'est pas la personne qui va dire, pose d'abord une offrande. Si tu veux une prière. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Retenez que le faux homme de Dieu n'attend rien de Dieu. Il n'attend rien de Dieu parce qu'il est conscient que ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Il sait qu'il fait ça. C'est que les gens tombent en transe par les pouvoirs qui a été cherché chez les marabouts. Il le sait. Il n'attend rien de Dieu. Mais il attend tout de ton porte-monnaie. Il attend tout de ta poche. C'est toi qui poses du premier au 30 pour lui. Et quand tu viendras le voir, il te dit, une offrande de 300 euros. Une offrande de 500. Pendant que toi, tu te lèves le matin pour aller travailler, lui est assis chez lui. Il t'attend. Le jour où tu viendras le voir, il va te dire, allez, pose une offrande. Et il vit dans le luxe tranquille. C'est ta poche qui est sa bénédiction. C'est ton porte-monnaie qui est sa bénédiction. Il n'attend rien de Dieu parce qu'il sait que ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Alors qu'un vrai envoyé de Dieu attend tout de Dieu parce que Dieu va le récompenser en fonction de sa fidélité au travail que Dieu lui a demandé de faire. Ok, bien aimé, ce menteur-là, un jour j'étais dans une église et j'entendais l'un de ses escrocs dire quelque chose. C'est pourquoi je vais dire dans 1 Corinthiens chapitre 9, je vais dire à partir du verset 8, la Bible dit, ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'enniveleras point le bœuf quand il foule le grain. Ça veut dire quoi dans la loi de Moïse? C'est-à-dire que dans les temps anciens, les gens n'avaient pas la technologie que les agriculteurs ont aujourd'hui. C'est-à-dire que tout se faisait par les bœufs. C'est les bœufs qui labouraient dans les champs. D'accord? Et dans la loi de Moïse, on nous dit ici, il ne fallait pas que l'agriculteur attache la gueule de la bête. Il fallait que pendant que le bœuf tire le truc, la charrue, les grains dans l'agriculteur balance les grains pour planter, les grains qui tombent en face du bœuf, qu'on lui laisse les manger. C'est pourquoi on dit, il ne faut pas attacher sa gueule. Puisqu'il travaille, laisse-lui manger au moins les grains qui tombent devant lui. C'est pourquoi dans la loi de Moïse, on disait, il ne faut pas attacher sa gueule. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Et le verset continue. Dieu se met-il en peine des bœufs? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance et celui qui foule le grain foule avec l'espérance d'y avoir part. Je continue la lecture, je vais revenir dessus. 1 Corinthiens 9 toujours. Je vais lire au verset 13. Ne savez-vous pas, parce que des faux hommes de Dieu aiment s'appuyer sur 1 Corinthiens 9, 13. J'ai entendu ça de la bouche de certains escrocs, soi-disant hommes de Dieu. Ils aiment bien ce passage, 1 Corinthiens 9, 13. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Je reprends au verset 13, 1 Corinthiens 9. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Ça veut dire quoi? Dans l'Ancien Testament, les Hébreux allaient voir le grand sacrificateur. Le grand sacrificateur, il ne travaillait pas. Il était consacré à l'œuvre de Dieu. Et quand les gens avaient des problèmes par rapport à leur situation, par rapport à leurs besoins, ils amenaient, ils apportaient des offrandes sacrificateurs qui leur demandaient d'apporter les offrandes. C'est très important. Ces hommes connaissaient la loi de Moïse. Et chacun savait que par rapport à mon besoin, voici ce que dit la loi de Moïse. Le sacrificateur n'exigeait aucune offrande à qui que ce soit. C'est des personnes elles-mêmes, par rapport à la loi de Moïse, qui savaient que par rapport à mon besoin, ça, voici ce que dit la loi. Donc il faut que j'aille voir le sacrificateur avec tel genre d'offrande. Et le sacrificateur qui était dans le temple, il ne faisait que recevoir. Ce n'est pas lui qui exigeait quelle qualité d'offrande tu dois apporter. Ce n'est pas lui. C'est la voix de Moïse. Le sacrificateur était un lieu pour recevoir ce que tu as apporté. C'est très important. Parce que ces hommes de Dieu exigent des montants. Ils exigent des montants d'offrande. Le sacrificateur ne le faisait pas. Je prends un exemple. Par rapport à mon besoin, je connais la voix de Moïse. Je décide d'aller offrir quelque chose à mon Dieu. Le sacrificateur est là-bas. Je prends un exemple facile à comprendre. Que j'amène 2 paquets de sucre. Que toi, tu amènes 10 cartons de cuisses de poulet. Le sacrificateur est là pas pour dire pourquoi tu as amené 2 paquets de sucre. Non! C'est pas son rôle. Le sacrificateur est là que pour recevoir l'offrande. Voilà! Quand à moi qui ai amené 2 paquets de sucre, c'est ma relation avec Dieu. Je donne l'offrande, pas au sacrificateur, je donne l'offrande à Dieu. La personne qui doit dire ici que non, non, l'offrande, c'est Dieu. Parce qu'ils apportaient l'offrande dans le temple pour Dieu, pas pour le sacrificateur. C'est pour Dieu. Maintenant, comme le sacrificateur était consacré, il était consacré dans le... Lui prenait là les dents pour vivre, lui et sa famille, il prenait les dents. Mais les gens ne venaient pas pour le sacrificateur, ils venaient pour offrir à Dieu et non le sacrificateur. Deuxièmement, lorsqu'ils apportaient l'offrande, ils apportaient l'offrande à Dieu. Le sacrificateur n'exigeait pas quel genre d'offrande, quel montant, quelle qualité tu dois apporter. Non, c'était entre eux et Dieu, selon la loi de Moïse. Le sacrificateur n'était pas là pour juger quel genre d'offrande tu as apporté. Ce n'est pas son rôle. Il recevait seulement. Ton offrande, c'est toi et ton Dieu. Parce que ces escrocs aiment s'appuyer sur celui qui a l'ordre de l'évangile doit vivre de l'évangile. Oui, je vous prends un exemple. Le sacrificateur vivait de l'évangile. Mais il ne demandait rien aux gens. Les personnes venaient elles-mêmes offrir à Dieu. Je dis bien à Dieu, pas au sacrificateur, à Dieu. Et le sacrificateur mangeait là-dedans. Dieu l'avait permis de manger là-dedans. Mais il n'avait aucun droit de demander quoi que ce soit à qui que ce soit. L'offrande n'était pas destinée à lui, mais à l'éternel Dieu. Donc ces escrocs qui vous disent, donne tel montant, donne tel montant. Non, ce sont des escrocs. Que tu donnes les pièces, que tu donnes les milliards, c'est ton affaire entre toi et ton Dieu. Il n'a rien à dire, parce que tu donnes à Dieu et non aux hommes. C'est Jésus qui a été à la croix. C'est Jésus. Ce n'est pas les hommes. C'est Jésus qui a été à la croix. C'est à Jésus que tu donnes. Pas à l'homme. La Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Mais si quelqu'un vous dit exiger, oh, le billet ne doit pas, quand tu amènes l'argent dans le panier, il ne faut pas froisser le billet. Parce qu'il veut voir quel montant tu déposes. Je suis en train de vous dire que le faux homme de Dieu est pointu sur l'argent parce qu'il n'attend rien de Dieu. Il sait que Dieu ne l'a jamais envoyé. Il sait que lorsque les gens sont en train, c'est grâce au pouvoir qui a été acheté chez le marabout. Donc sa bénédiction ne viendra jamais de Dieu. Sa bénédiction vient de votre porte-monnaie, de votre poche. C'est pourquoi il est exigeant avec l'argent. Il n'attend rien de Dieu. Parce qu'il sait que Dieu ne l'a jamais envoyé. C'est lui-même qui s'est autoproclamé général bishop, évangéliste, pasteur. C'est lui-même. Une fois qu'il a été lu les gris-gris chez le marabout, il a décidé de prendre le nom qu'il veut, bishop, pasteur, révérend, évangéliste, général. Ça, c'est des noms. Prophète. Je continue la lecture. Écoutez, la Bible connaissent l'histoire de Onésime et Philémon. Philémon, c'était un bien-aimé qui avait des très bons rapports avec l'apôtre Paul. C'est Philémon, un jour, a eu une petite brouille entre lui et l'homme qu'on appelle Onésime. Onésime était un païen. Lorsque Paul prêche l'évangile à Onésime, Onésime reçoit Jésus. Et Paul va envoyer Onésime vers Philémon. Paul était au courant qu'entre Philémon et Onésime, il y a eu une brouille. Et quand Paul envoie Onésime vers Philémon, il dit, frère, je sais qu'il y a eu des disputes entre toi et Onésime, mais je t'informe qu'Onésime est devenu l'un des nôtres. Il est devenu notre frère. Il a reçu Jésus. Je l'envoie vers toi, frère, s'il te plaît. Ne le traite plus comme un simple païen parce qu'il est devenu ton frère en Christ. Frère, je t'en prie, reçois le bien, Philémon. Et s'il te doit quelque chose, frère, mets-le sur mon corps. Moi, je pourrais te rembourser. Mais je veux que tu le reçoives bien parce qu'il est devenu enfant de Dieu comme toi et moi. Écoutez ce que Paul dit dans Philémon chapitre 1 au verset 14. Voici ce qu'il dit à Philémon. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Il faut que ton bienfait soit volontaire. Parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Parce que Dieu aime quand c'est volontaire. Parce que Dieu aime quand ça vient du cœur. Volontaire. Dieu prend plaisir à l'offrande quand c'est volontaire. Pas l'offrande qu'on vous impose. Pas l'offrande qu'on t'impose. Si tu n'as pas 200, 300 euros, pas de prière de délivrance. Des commerçants. Tu veux une délivrance, apporte tes offrandes. Ce ne sont pas des offrandes volontaires. L'apôtre Paul dit, je ne veux pas que ton bienfait soit comme forcé. Oh, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui dans les églises? Les offrandes forcées. Il faut telle somme. Tu veux une délivrance, tel montant. Il fixe le prix. Ce n'est pas volontaire. Parce que si on me demande une offrande, que je donne 5 euros ou 1000 euros, c'est comme je veux. Mais c'est lui qui fixe le montant. C'est lui qui fixe combien je dois donner. Parce que c'est des commerçants, parce que c'est des loups. Mon frère, à partir du moment où tu as affaire à quelqu'un qui se comporte comme ça, tu as affaire à un faux homme de Dieu parce qu'il n'attend aucune bénédiction de Dieu. Pour qu'il voyage dans les premières classes, dans les avions, il compte sur ta poche. C'est ton porte-monnaie qui est sa bénédiction. Il est là pour te sucer à fond. Il ne travaille pas. Il faut qu'il paye le loyer. Il faut qu'il s'habille comme un prince. Mais ta bénédiction, sa bénédiction, c'est toi. Pendant que toi, tu te lèves le matin pour faire tes petits bricoles. Lui, il est assis chez lui, c'est un chômeur. Et le jour où tu iras le voir, il va te dire, bon, par rapport à tes problèmes là, 400 euros. Comme offrande. Tout dernièrement, je suis allé dans le 78 en région parisienne. Une sœur m'appelle, frère. Notre église a invité un orateur qui vient de Londres. Ce homme a l'onction, il vient prêcher ici. Viens voir. Je suis allé. Le monsieur a commencé, c'était un samedi, il a commencé à prêcher à la fin. Hé, frères et sœurs, le Saint-Esprit me met à cœur qu'il y a des femmes ici qui ont des problèmes pour enfanter. Si tu es ici, marié ou pas marié, tu as des difficultés d'avoir un enfant. Lève-toi. Beaucoup de femmes se sont levées. Viens ici avec 100 euros. Je vais briser cette malédiction. Certains qui n'avaient pas 100 euros obligés de se rasseoir. Donc, les quelques femmes qui avaient 100 euros sont venues devant. Et c'est ce qu'on dit, voyant que certaines femmes sont restées parce qu'elles n'avaient pas 100 euros. Bon, tu n'as pas 100 euros, mais tu as ta carte bleue. Viens ici. Il fallait voir le panier, les gens balancer les billets parce qu'il va faire le tour de l'assemblée. Ok, tu fais des affaires, ça ne marche pas. Ça, c'est comme si on te met les bâtons dans les roues. Si tu as 70 euros, lève-toi, verse. Ce qui fait que c'était catégorie par catégorie. Tu es étudiant, tes études ne marchent pas. Tu as 70 euros, lève-toi. Ce qui fait qu'il a pris plusieurs cas, et le panier d'argent était rempli. Ce temps est retourné à Londres, les poches pleines, les poches pleines. Les escrocs, les vendeurs, ils vendent les prières. Ils vendent, ils n'ont même plus honte, ils vendent les prières. Et comme ils sont. Mais oui, il attend rien de Dieu. Ce n'est pas un homme de Dieu, même s'il a pris le titre de pasteur, même s'il a pris le titre d'évangéliste. Il sait lui-même qu'il est faux, il le sait. Il compte sur votre porte-monnaie, il compte sur vos poches. Il n'attend rien de Dieu, puisque Dieu ne l'a jamais envoyé. Il le sait. C'est vous qui le continuez, vous qui le prenez pour homme de Dieu. Mais lui, au fond de lui, c'est qu'il ne l'aime pas. Il le sait. Arrêtez de vous faire avoir. Je vis dans une église tout dernièrement. Un faux homme de Dieu a été invité dans cette église. Et pendant qu'il prêchait, il a demandé à l'assemblée du monde. Chacun a qu'à prendre sa bouteille d'eau. Chacun avait sa bouteille d'eau. Des bouteilles d'eau, des viandes et autres. Chacun avait sa bouteille. Ok, vous allez ouvrir votre bouteille et boire parce qu'au moment où je vous parle, ce toit est devenu le sang de Jésus. Et je pouvais voir tout le monde. Chacun buvait l'eau. Toi qui as bu l'eau là, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? C'est du mensonge. Mon peuple périt faute de connaissance. Toi qui ne lis pas ta Bible, comment tu vas t'en sortir devant les faux hommes de Dieu? Parce qu'ils sont maintenant nombreux dans les églises. Ils sont nombreux. Mais comment tu vas échapper à ces mensonges? Toi qui ne lis pas la parole. Et les gens buvaient l'eau. Toi qui as bu l'eau là, qu'est-ce qui a changé? Il y a des miracles dans ta vie parce que tu as bu l'eau. Pourquoi vous acceptez les mensonges? Mon peuple périt de connaissance. Les victimes sont à la maison. Oh, tu ne fais pas d'enfant, il faut qu'on couche. Il faut que je te lave le corps. Et je prie pour toi, il faut que je te lave le corps. Il veut te voir nu. Juste pour que tu sois nu. On a vu ça où? Il y a une Camerounaise, elle me raconte, elle est allée voir un prêtre parce qu'elle a des problèmes de femme de nuit. Alors, il va voir le prêtre lui dit, je prie pour toi mardi. Et quand elle est partie, dans l'église catholique, le prêtre l'a mis nu. Il dit, frère, j'étais étonné. Il a allumé des bougies tout autour de moi. Et il m'a dit, allonge-toi. Et quand la nuit est arrivée, c'est lui que je voyais maintenant. Je ne voyais même plus l'homme de nuit qui venait me trouver. Je voyais maintenant le prêtre lui-même venir coucher avec moi. Mon peuple périt de connaissance. Mais ces pratiques-là, boire l'eau est devenue le sang. Oh, allume, allonge-toi nu. Oh, il faut que l'homme de Dieu te lave le corps. Il faut que je passe d'abord en prier dans tes jambes avant ton mari, si tu veux enfanter. Tous ces mensonges. Parce que les gens ne connaissent pas la parole de Dieu. Vous avez vu les chrétiens de Béret. Ils ont appris que Paul arrive. Il vient prêcher l'évangile chez nous ici. Et quand Paul est arrivé, chacun avait sa Bible. Ils n'ont pas dit Paul c'est le grand homme de Dieu. Il est moi, il a l'onction. Paul parle et vérifie. Nous, on veut voir si ce que lui dit là est dans la Bible. Les chrétiens de Béret, un faux homme de Dieu ne peut pas les rouler dans la farine. Parce que eux, ils se confiaient à la Bible. Mais vous avez aujourd'hui des gens. La génération d'aujourd'hui, c'est la génération qui a été à l'école à 90%. À l'école, ils savent lire, mais ils ne lisent pas la Bible. Ils passent 2 heures à regarder les films à la télé, mais incapables de passer 15 minutes dans une Bible. Incapables. Ils ont le temps pour regarder un match de foot, mais ils n'ont pas le temps pour lire 10 minutes pour lire la Bible. Certains même, ils touchent à leur Bible que dimanche. À la maison, on ne touche pas. Mais comment voulez-vous que les faux hommes de Dieu ne vous roulent pas dans la farine? Jésus a dit que dans les temps de la fin, Satan va utiliser les faux hommes de Dieu. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les gens. C'est pourquoi ils étalent leurs vidéos sur YouTube. C'est pourquoi ils étalent des vidéos de miracles. Même si tu es au fin fond du monde, quand tu vas voir la vidéo, tu ne penses plus qu'à payer ton billet d'avion pour venir le voir. Parce qu'ils mettent des vidéos pour séduire. Satan leur donne les miracles pour séduire. Mais quelle est la part du faux homme de Dieu? Il gagne le pognon parce que quand tu iras le voir, il va te demander une offrande. Il vit de ça, il est riche grâce à vos offrandes. Mais Satan lui gagne quoi? Satan gagne les âmes. Parce que plus les âmes vont te connaître, toi le faux homme de Dieu, plus ces personnes sont éloignées de Jésus. Jésus ne travaille pas avec les faux hommes de Dieu. Toute personne qui est focalisée, branchée sur un faux homme de Dieu, n'est plus avec Christ, il est maintenant avec le diable. Parce que derrière le faux homme de Dieu se trouve Lucifer. Les marabouts qui faisaient les miracles en Égypte au temps de Moïse, ce n'était pas Dieu qui les utilisait. Leurs miracles ne venaient pas de Dieu. Le faux homme de Dieu, quand tu vois les miracles, les gens tombent en terre par terre. Ces miracles ne viennent pas de Dieu, c'est Satan qui fait ces miracles. Donc, miracle ne veut pas dire homme de Dieu. Miracle ne veut pas dire onction de Dieu. Frère, donc c'est ce que je tenais à vous dire. Mes bien-aimés, tout le monde aujourd'hui est attaqué. Ne vous posez pas des questions. Le diable sait aujourd'hui qui est enfant de Dieu, qui ne l'est pas. La guerre est déclarée. Chacun doit lire la parole de Dieu. Chacun doit être prêt pour le combat. Prêt pour le combat. Toi qui as été victime, tu connais un faux homme de Dieu, dénonce-le. Ne dis pas, je vais aller prier, Dieu lui-même va le frapper. Non, quand Jésus a trouvé les faux dans le temple, il a pris le bâton. Il n'a pas dit, je vais prier pour que Dieu les frappe. L'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de ton Père. Il ne faut pas fermer la bouche. Dénoncer un faux homme de Dieu n'est pas un péché. Dénoncer un faux homme de Dieu, ce n'est pas un péché. Il faut le dénoncer parce que le loup, il se déguise. Pourquoi? Pour bien faire le mal, pour détruire. Pour qu'on ne le soupçonne pas. Oui, c'est pourquoi le loup se déguise. Pour qu'on ne le soupçonne pas. À partir du moment où toi, tu as été victime, et que tu sais que lui, il est loup, même si les autres, eux, ne le savent pas, parle, il faut le livrer. Sinon, il continuera à faire d'autres victimes. C'est ce que je tenais à vous dire. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse.